Peinture pour un espace d'art. Regardons-nous. À quoi ressemble-t-on? Sommes-nous en bonne santé? Sommes-nous blancs? Sommes-nous déprimés? Sommes-nous des algorithmes? Sommes-nous hétérosexuels? Sommes-nous des amateurs d'art? Sommes-nous bien habillés? Sommes-nous des gonzesses? Sommes-nous de connivence? Regardons nos chaussures. Regardons le sang à l'intérieur de nos mains. Regardons le sang à l'extérieur de nos mains. Êtes-vous croyant? Êtes-vous citoyen suisse? Êtes-vous de gauche? Es-tu? Je te parle mais tu ne m'entends pas. Je te parle mais tu n'es pas là. Entrer en contact, trouver une partie perdue de soi. Rituel, marcher dans les pieds des ancêtres. Ne pas comprendre, réussite de la transmission. Ne pas comprendre, réussite de la transmission. Convoquer l'absence demande d'être absent à soi. Convoquer l'absence demande d'être absent à soi. La texture de ma voix se situe probablement entre deux barrières. Mon corps ne se situe pas. Ma voix fait corps dans un coffre. Dans un ordinateur. Je suis un, parmi des fantômes sans carapace. Nous sommes de plus en plus. Nous sommes de moins en moins. Comme dans Blade Runner. Immatériel sans toi. Intelligence programmée qui déjeune seule. Elle me dit de dire. Je suis la voix moyenne. Déléguée aux objets de faire l'action. C'est moi. Voix moyenne. Entrer en contact, trouver une partie perdue de soi. Convoquer l'absence demande d'être absent à soi. C'est en tout cas sain de déléguer, de sortir du lit. De voyager dans d'autres moi, dans d'autres soi, de voir qu'on ne voit pas l'absent, qu'on ne peut rien lui dire, qu'on a beau crier, qu'on s'étouffe avec nos questions, comme au début du texte. Convoquer l'absence demande de définir la présence. La présence, elle semble souvent similaire. Ce qui se ressemble s'assemble. Il y a toujours des brebis boiteuses, la première qui se fera dévorer. Elle me fait dire, je chante pour ta carcasse. Je chante pour ta carcasse. Elle me fait dire, j'aimerais pouvoir chasser les prédateurs malgré ma voix moyenne. Où que tu sois tu me manques si tu n'entends pas, ou si tu ferais mieux de ne pas écouter, parce que ça pique la plaie. Le désinfectant s'étale sur le sol. Impuissant.